Il est 13h30, très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Voici tout de suite Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Le cop, c'est devenu l'ennemi. Cette semaine, l'Amérique et ses démons. It's a free country, right? C'est un pays libre, pas vrai? Des lynchages aux émeutes. Le bilan provisoire s'élève à 5 morts et 138 blessés. Un monde noir et blanc. Plusieurs victimes ont été touchées par balles et d'autres battues. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. And a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Les flambées de haine qui se sont produites en divers points des États-Unis au cours du week-end dernier, mettant aux prises des blancs contre des noirs, ont continué cette nuit. Le racisme chez les blancs est peut-être dur à supporter pour les noirs, mais c'est aussi le problème des blancs. C'est donc au nom de la race blanche, de la femme blanche guettée par les appétits débridés des noirs, que l'on mutile et qu'on tue de la Floride au Texas. La tradition sudiste tend à lier le lynchage aux meurtres et viols de femmes blanches. En réalité, on lynchait aussi bien les femmes que les enfants, comme en témoigne la photo de Laura Nelson, pendue en 1911 à un pont de l'Oklahoma avec son fils de 14 ans, dont elle avait pris la défense. Il ne suffisait bien souvent que d'avoir offensé la suprématie blanche, une dispute, des insultes, un témoignage à charge contre un blanc pouvait à eux seuls conduire à la potence. Ainsi, Rufus Moncrief, torturé puis pendu à un arbre avec son chien pour avoir refusé de se découvrir devant un blanc. Si des années 60, nous l'avons évoqué depuis le début de la semaine, sont avant tout les années de la transformation de la révolte noire des États-Unis, la mort violente de plusieurs de leurs leaders, Martin Luther King, Malcolm X, ajouté à la déroute des années post-Vietnam qui plonge les États-Unis en pleine crise morale, la suite du mouvement noir va être, on va le voir aujourd'hui, en pleine évolution politique. Débordant largement du cadre strict de la révolte noire, plusieurs leaders vont en effet en appeler à une internationalisation de la prise de conscience. Une internationalisation marxiste venant se greffer aux problèmes ségrégationnistes. Parmi ces leaders, une figure va émerger, celle d'Angela Davis. Nous aurons l'occasion de l'entendre aujourd'hui. Mais auparavant, c'est par un événement de portée mondiale que la cause noire va faire parler d'elle. Tout de suite, nous nous transportons en 1968. Chapitre 1. Caramba, quel record! Quand le comité des Jeux Olympiques décide de choisir la ville de Mexico pour la prochaine compétition internationale, il ne se doute pas que ces Jeux seront ceux de toutes les surprises. Les athlètes, avant leur départ, s'entraînent dans les mêmes conditions qu'à Mexico, autrement dit, à une altitude de quelque 2216 mètres. On constate alors des performances absolument étonnantes. Les sprinteurs courent plus vite, les sauteurs réalisent facilement leurs meilleurs sauts et tout cela sans montrer d'efforts apparents. On comprend vite qu'à ces hauteurs, les globules rouges augmentent dans le sang de façon importante et sur place, à Mexico, les records les plus invraisemblables commencent à tomber. Richard Douglas Fosbury s'élance pour le saut en hauteur et l'on est subjugué par la technique révolutionnaire de l'athlète. Le style de Fosbury est étonnant, résumons-le. Il prend son élan en biais, s'élève du pied droit comme pour un saut en ciseau, effectue ensuite en l'air un demi-tour, le dos tourné à la barre, les épaules les premières, passe cette barre. Le rouleau ventral ne me convenait pas, et comme en ciseau je n'améliorais pas mes performances, et bien j'ai cherché un autre style. Quant à moi, eh bien j'espère battre encore du monde. Deux petits centimètres lui donneront raison, avec son Fosbury flop, le champion repart avec la seule victoire de sa carrière et la médaille d'or. C'est à présent au tour du Dossard 254 de se présenter pour le saut en hauteur. L'homme est longiligne, immense, il s'élance, une course parfaite, il saute, on reste muet. Il faut du temps pour mesurer le saut, on est obligé d'aller chercher un décamètre plus long que celui que l'on avait prévu, et c'est le miracle. Je vois Biman qui fait des sauts de joie, j'ai l'impression qu'il y a du record du monde dans l'air. Attention, 8 mètres, c'est extraordinaire. Écoutez bien, 8 mètres 90, c'est à peine croyable. 8 mètres 90 pour Bob Biman, qui bat le record du monde, détenu par Ralph Wilson avec 8 mètres 35. Il ne l'améliore pas de quelques centimètres, il le pulvérise. Et maintenant, Biman prend Wilson dans ses bras, et les deux noirs font une danse effrénée sur la piste là-bas en face. Et ils se roulent par terre, ils se relèvent et ils s'embrassent. C'est une démonstration de joie extraordinaire de ces Américains. Et je pense que c'est la meilleure réponse que ces sportifs noirs peuvent donner à la décision qui a été prise à l'encontre de leurs camarades. Ces deux camarades dont on ne cesse de parler en effet depuis hier. Au moment de la remise des médailles d'or et de bronze du 200 mètres, deux athlètes noirs américains face à la foule et aux caméras du monde entier, au moment de la montée du drapeau américain, ont levé silencieusement leurs poings gantés, ignorant la bannière étoilée et gardant tête baissée. Tony Smith et John Carlos stigmatisent une Amérique qui les méprise et laisse mourir leurs frères. Martin Luther King a été assassiné 7 mois plus tôt. Immédiatement, le comité olympique réagit. Vous comprendrez aisément que ce genre de manifestations qui sont caractéristiques, disons, de l'évolution politique intérieure d'un pays ne sont pas du tout compatibles avec l'idéal olympique. La commission exécutive a donc décidé d'expulser les deux noirs américains et en plus de leur interdire toute participation aux Jeux olympiques dans l'avenir. Les coureurs du relais 4 x 100 mètres feront la même chose en montant sur le podium. Avec Smith et Carlos, ces athlètes se sont sacrifiés, signant l'arrêt de mort de leur carrière sportive. Mais ils auront hissé la question de la ségrégation à un niveau international. Chapitre 2. A Black Magic Woman. Le 16 octobre 1970, devant l'hôtel Cecil, à Paris, un homme fait une déclaration. Celle-ci est diffusée peu après à la télévision française. Quand le visage de l'homme apparaît, on réalise qu'il s'agit de Jean Genet. Tout est en place. Vos flics, qui ont déjà tiré sur un juge de façon à mieux tuer 3 noirs, vos flics, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs. D'abord les Noirs, tous. Ensuite les Indiens qui ont survécu. Ensuite les Chicanos. Ensuite les radicaux blancs. Ensuite, je l'espère, les libéraux blancs. Ensuite les Blancs. Ensuite l'administration blanche. Ensuite vous-même. Alors le monde sera délivré. Il y restera, après votre passage, le souvenir, la pensée et les idées d'Angela Davis et du Black Panther. Angela Davis et le Black Panther. Qui est donc cette Angela Davis? On a fini par apprendre que c'est une jeune femme de 27 ans, que c'est une jeune universitaire noire qui, jusque-là, exerçait son professorat de philosophie à l'université de San Diego, en Californie. On s'intéresse à elle depuis qu'elle a été arrêtée en septembre 1970 pour complicité de conspiration d'évasion de 3 noirs pendant une audience du tribunal de San Rafael, en Californie. Il nous faut revenir 1 mois en arrière. Ce jour-là, le 7 août 1970, un jeune détenu noir de la prison de Saint-Quentin, Jonathan Jackson, passe en jugement. En pleine audience, lui et 3 autres détenus dégainent des armes venues d'on ne sait où et s'emparent du juge avant de s'enfuir. Un tir de barrage les arrête, le juge est tué, le jeune noir tombe sous les balles. Sa mort fait éclater la réalité des conditions pénitentiaires pour les prisonniers de couleur. Pendant le temps où il était détenu, bien des mutineries ont éclaté. Jackson sait qu'il a intérêt à choisir la discrétion. Il n'a été arrêté au fond que pour un vol de 70 dollars. Il en a pour 1 an, tout au plus. Et les événements en décident autrement. Le 13 janvier, un groupe de prisonniers est acheminé vers une cour intérieure. Composée de 10 blancs, résolument raciste, et de sept Noirs connus pour leur activisme politique. On n'échappe pas à l'inévitable, une dispute, puis une bagarre éclate. Du haut d'une tour, un gardien ouvre alors le feu sur le groupe, sans aucun avertissement. Un blanc est blessé, trois Noirs sont tués. L'un d'eux, blessé, est laissé à terre et meurt peu après d'une hémorragie. Le tireur est protégé par sa hiérarchie, mais quelques jours plus tard, c'est un autre gardien blanc qu'on retrouve mourant. Il a été jeté d'un étage supérieur. C'est Jackson qui est aussitôt accusé de meurtre. C'est là qu'intervient Angela Davis. Élevée dans l'état d'Alabama, à Birmingham, exaspérée par ces interminables nuits où les terroristes blancs posaient les bombes autour des maisons des Noirs, exaspérée par cet assassinat de quatre enfants noirs dans l'église du village, témoin avec bien d'autres de ce cauchemar permanent, elle écrit à une amie toutes ses angoisses. Angela Davis finit par quitter Birmingham vivante, elle-même n'y croyait plus, mais son opinion est désormais ancrée en elle, rien ne pourra la faire revenir dessus. Elle devient militante et communiste. Les années passent, Angela Davis et son éternelle coupe afro deviennent vite un emblème qui s'exporte, ce qui a pour don d'irriter copieusement le gouverneur de son état, l'état de Californie, un certain Ronald Reagan. Quand Jackson connaît ses problèmes au pénitencier, sans hésiter, elle monte en première ligne. Décidément trop provocatrice au goût des autorités, celle-ci l'arrête après l'affaire du tribunal et l'accuse de complicité. Son arrestation fait la une de l'actualité. En 1972, elle est reconnue innocente et désormais célèbre. Ensuite, l'affaire Angela Davis a connu son véritable tournant lorsque la jeune militante a accepté d'être jugée par un jury entièrement composé de blancs. Elle donnait ainsi la preuve de sa confiance dans la justice de son pays, car elle aurait pu retarder pendant des semaines et des semaines son acceptation d'un jury valable à ses yeux. Elle privait aussi l'accusation de tout argument basé sur la mauvaise foi de la suspecte qui aurait refusé de se plier aux règles communes de la justice. Du coup, les présomptions accumulées contre Angela Davis sont toujours restées des présomptions et n'ont jamais pu devenir des preuves. Que la jeune femme ait aimé George Jackson, qu'elle lui ait écrit des lettres enflammées, c'était après tout son affaire. Qu'elle ait acheté une arme et que Jonathan Jackson s'en soit servi dans la tuerie qui devait amener l'arrestation de la jeune militante ne signifiait pas non plus qu'elle était une complice. Jonathan Jackson pouvait fort bien avoir volé l'arme. À mesure que les semaines passaient, sinon l'acquittement, du moins une peine très légère, devenait de plus en plus probable et possible. Aujourd'hui libérée, Angela Davis a conscience de l'importance de ce verdict, mais pour elle, le combat est loin d'être terminé, c'est ce qu'elle a déclaré à sa sortie du tribunal. C'est pas seulement le jour le plus heureux de ma vie, mais je suis sûr que tous les gens à travers le monde entier qui se sont battus pour ma liberté voient cela comme l'exemple de toutes les victoires qui vont arriver. Car à partir d'aujourd'hui, il va falloir libérer tous les prisonniers politiques, toutes les personnes oppressées dans ce pays et à travers le monde entier. The Last Poets est un groupe formé par les Black Muslims radicaux de New York. Inspirés par les beatniks, ils déclament leurs poèmes virulents sur des percussions. Ce sont les précurseurs du mouvement rap et hip-hop dont ils sont restés la référence. Leurs textes ont déchaîné la colère et l'indignation parmi le peuple bien-pensant américain. Mais leur premier album s'est quand même vendu sous le manteau à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. The Last Poets, Black Wish. Black day is coming. Wish. Black day is here. I am a black wish. I am the thought of all things, thinking of wishing for something to come true. I am the wish and the wishbone that white people break for good luck. And the next day one of them falls and breaks their neck. I am the wish that makes Walt Disney wish upon a star shining like the light of truth in the darkest night. Wish upon my star, Walt Disney, for I am truth. I am the wish that makes the white faggot wish that the nachos he's eating for lunch would follow him home for dinner. I am the wish that makes the clear old lady wish she had the body of Cleopatra, the voice of Billie Holiday, the sexiness of Uncle Kit, and the apple of Abby Lincoln, for then she would be truly beautiful, and her hairdresser would have to wish if she knew for sure. I am the wish that makes George Wallace wish he could make love to Lola Falana. I am the wish that makes all niggas and Negroes wish for alligator shoes, white thighs, El Dorados, and wish that they didn't run out of wishes. I am the wish that makes Nina Simone wish she knew how it felt to be free. I am the wish all black people are wishing for. I am the wish of freedom. Yes, I am the wish of black freedom. And I wish, and I wish, and I wish, and I wish, and I know, and I know I wish, and I wish I know, and I know I wish, and I wish, and I know, and I know, and I know that wish will come true. Chapitre 3. Sortie de geôle, sortie de livre. Son arrestation l'ayant rendue célèbre, Angela Davis surfe sur la vague pour porter au plus grand nombre ses convictions de militante noire et communiste. Après l'affaire Jackson, elle part pour l'Europe, s'installe en France et y poursuit son professorat de philosophie. Elle s'intéresse notamment beaucoup à Jean-Paul Sartre. Et puis peu après, elle fait paraître une autobiographie impatiemment attendue par les militants du monde entier, noirs, communistes comme féministes. Tournée de promotion oblige, elle passe par la Suisse et fait une petite halte à la télévision suisse romande, le temps d'un entretien de 13 minutes, ni plus ni moins, dont voici quelques extraits. Bon, l'histoire du peuple noir aux États-Unis, c'est une histoire de combativité. Notre survivance, c'était une fonction de notre capacité de résister. Et c'est toujours le fait qu'il faut résister, il faut lutter, non seulement pour changer les circonstances d'oppression, mais simplement pour pouvoir vivre. Et j'ai écrit le livre dans cette forme parce que j'ai voulu que n'importe quelle personne pouvait le prendre, le lire et le comprendre. Comment passer du militantisme noir au militantisme communiste? La réponse par Angela Davis. D'abord, je dirais que de plus en plus, les Noirs aux États-Unis se rendent compte des relations qui existent entre le racisme et la lutte pour la libération des Noirs et le capitalisme et la lutte pour renverser un système économique exploiteur. De plus en plus, si vous regardez la situation aux États-Unis, vous verrez cette même évolution. Ce qui m'a décidé moi-même, c'était simplement la réalisation que le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des Noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les Blancs. Parce que la plupart des Blancs de la classe ouvrière, n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes parce qu'ils ne profitent pas du tout du racisme. Discours d'une époque qui se risque aux amalgames parce qu'il sent en face une société contractée et surtout fragilisée et menacée de partout. Car dans les années 70, les Noirs ne laissent pas un moment de répit à l'administration américaine. Peu avant l'affaire Angela Davis, toute une série de mutineries éclate dans les pénitenciers américains. Un état des lieux dans ce reportage envoyé des États-Unis par Jean-Louis Courtet, daté de 1971, et qui commence par cette déclaration faite par James Bennett, ancien numéro 1 des prisons américaines. Oh, I don't think there was any real political implications involved. Some of these inmates verbalized or used this. Je ne pense pas qu'il y ait une implication politique dans ce qui s'est passé. Quelques-uns des prisonniers font de grandes phrases ou utilisent le verbe pour essayer d'attirer l'attention sur eux. Mais il n'y a aucun des signes de ce que nous considérons d'habitude comme un complot politique. Pas de problème politique, peut-être. Mais certainement un problème racial, comme nous le confirme M. James Jordan, commissaire par intérim du système pénitentiaire de l'État du Maryland. M. Jordan est noir. Of course, I think we have to see this. In our prisons here, we have 7% of the people that we have confined are black. I think they did mention something like 85% there. Naturellement, dit M. Jordan, je pense que c'est un facteur que nous devons considérer. Nous avons ici, dans nos prisons, 70% de nos résidents qui sont noirs. Et je pense que nous devons réaliser que dans beaucoup de nos institutions, la plupart du personnel est blanc, et notamment dans les prisons situées dans des régions où la majorité de la population est blanche. Résultat, vous avez un encadrement presque entièrement blanc et 70% de prisonniers noirs qui viennent de zones urbaines à majorité noire. Le directeur des prisons de l'État de New York, Russell Oswald, déclarait récemment ceci. « Rien n'est plus puissant qu'une idée. Et les Noirs ont l'idée qu'ils sont victimes d'une société raciste, opprimée par des cochons de racistes et des institutions racistes. Ce que nous devons faire, c'est trouver des moyens de communiquer avec ces gens. » L'une des causes de la déshumanisation des prisons est leur dimension, m'ont dit deux experts. Monsieur James Jordan, qui s'occupe du système pénitentiaire du Maryland, dénonce lui aussi le gigantisme des prisons. Until we can get away from this concept of warehousing people in large old physical plants. Aussi longtemps que nous ne nous débarrasserons pas du concept d'entreposer les gens dans d'immenses usines rongées par les ans, où les prisonniers ne peuvent faire l'objet d'aucune attention individuelle, comme la thérapie, la formation ou tout ce que vous voudrez mentionner qui entre dans le cadre de la réhabilitation, nous aurons ce problème. Maintenant, nous commençons à nous acheminer vers l'idée de centres de correction, de petits centres n'ayant pas plus de 100 lits, et situé dans la région du détenu, afin que celui-ci puisse rester en contact étroit avec sa famille. Saint-Quentin, Attica, 46 morts en 2 mois. Que sortira-t-il de cette double tragédie? Monsieur James Jordan, directeur intérimaire des prisons, exprime une vue plus optimiste. Very strongly. That the attention that's focused on corrections during this period would be positive in the sense that the public would realize. Je voudrais espérer avec force que l'attention qui s'est portée sur les pénitenciers au cours de cette période soit positive, en ce sens que le public réalise que pendant 200 ans, nous n'avons pas été capables de beaucoup progresser dans le domaine pénitentiaire. Principalement, je crois, en raison de l'apathie de la masse. Et je pense que si nous avons vraiment l'intention d'améliorer les prisonniers, les gens doivent comprendre que 98% des résidents de nos prisons seront éventuellement libérés un jour. Et de la façon dont ils sortiront de ces prisons, que ce soit animé de sentiments hostiles ou agressifs, ou que ce soit au contraire avec un état d'esprit plus positif, dépendra le taux de criminalité dans les rues. J'espère simplement que les gens réaliseront qu'il y a un problème dans notre système pénitentiaire et qu'il est temps maintenant de commencer à regarder ce que nous allons faire pour l'améliorer. Faisons-nous réellement de la réhabilitation? La réponse fondamentale est non. Nous faisons un peu de réhabilitation, mais nous n'atteignons qu'un faible pourcentage des personnes dont nous avons la responsabilité. Et le directeur par intérim des prisons du Maryland de conclure, j'espère que ce qui s'est passé réveillera l'opinion publique et lui montrera combien nous avons désespérément besoin de son aide. Le gouvernement Nixon, bien que très conservateur, appuie les réformes du système. Un prisonnier disait avec une pointe d'ironie amère, « Peu de politiciens inscrivent à leur programme électoral une transformation des prisons. » Demain, nous retrouvons les États-Unis à l'aube de l'année 90, l'année où Los Angeles a de nouveau flambé. Si sa tête, sa jolie tête, était mise à un prix aux enchères du malheur, du grand malheur néo-légal, du dollar, haineux, raciste, con. Aujourd'hui, sous les verrous, derrière les barreaux, elle est sous bonne garde, la garde d'horreur, l'horreur stupide, blême et quotidienne. Angela Davis est professeure. Elle est très riche, et très honorables citoyens qui seront choisis pour faire partie du grand jury blanc, furieux de la savoir et bien mieux qu'eux, capables de culture blanche, la déclarent d'avance coupable de culture noire, sans même attendre que tinte sur le plancher du tribunal la fausse monnaie, les pièces du procès. Ainsi va la vie, ainsi va la mort aux États-Unis. Mais Angela Davis, dans sa prison, écoute, sans pouvoir les entendre, et peut-être en souriant, les chansons de ses frères de joie, de rire et de chagrin, et les refrains marrants des enfants du ghetto. Ceux qui enferment les autres sentent leur enfermé. Ceux qui sont enfermés sentent la liberté. Angela Davis, c'est la générosité, la lucidité, la vie vraie. Il ne faut absolument pas qu'elle puisse être condamnée. Quand on la jugera, des témoins viendront, c'est connu d'avance, des témoins achetés, vendus ou loués comme on en loue pour les mariages à la porte des mairies. Et ils jureront sur une Bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Angela Davis, elle, dira, si on laisse parler, la liberté pour ses frères et sœurs de couleur. Évolution du rêve, rêve de révolution, réalité. Déjà, des voix se font et se feront entendre de plus belle, des voix proches et lointaines, chaleureuses, populaires, menaçantes et efficaces aussi. Frères, frères! Le cri des marins du Potemkin surgissant de la bâche jetée sur eux comme un suaire était déjà le même cri que celui des frères Soledad. Frères, écho des plus vieux cris multicolores, multicolères des enfants de la terre. Il faut que les gens du grand jury blanc et leurs pareils prêtent et l'oreille et qu'ils entendent ce cri comme un coquillage les rumeurs de la mer. Et que l'inquiétude les gagne et les contraigne à essayer, pour une fois, malgré eux, d'ouvrir les yeux, de voir clair. Frères, eux qui ne sont que les frères d'armes des fabricants et des trafiquants d'armes du monde entier, doivent rendre des comptes, c'est-à-dire se rendre compte combien il est absurde d'accuser une femme ici ou là, ce qu'ils vendent partout ailleurs. Il faut libérer Angela Davis, en attendant le jour où seront condamnées toutes les portes derrière lesquelles la vie noire est enfermée. Jacques Prévert, août 1971. Avec le bluesman Jimmy Witherspoon, Eric Burdon, chanteur des Animals, enregistre l'album Guilty, coupable, pour dénoncer la brutalité dans les prisons américaines et soutenir le combat des Soledad Brothers, militants radicaux noirs incarcérés. Eric Burdon et Jimmy Witherspoon, Soledad. Watchful eye of the man and the wire running high.